L'exposition des livres, photos et beaux-arts de la République populaire démocratique de Corée, consacrée à la Journée du Soleil, s'est déroulée le 9 courant à Beijing, Chine. On y a exposé les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, les photos sur leur noble vie et exploits immortels, les photos des activités révolutionnaires des dirigeants suprêmes Kim Jong-un, les œuvres des grands hommes Baek-tusan, ainsi que les livres, photos et timbres présentant la fière réalité de la Corée du Tse qui prospère au fil des jours, la longue histoire et la brillante culture cinq fois millénaire, et les dessins empreints des talents créateurs du peuple coréen. À la cérémonie d'inauguration, ont pris part l'ambassadeur coréen et ses collaborateurs en Chine, les fonctionnaires en mission dans ce pays, les étudiants coréens, les ressortissants coréens en Chine, les artistes et habitants chinois. Les participants ont tout d'abord déposé les corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il avant de formuler leur hommage. À la suite des discours, les participants ont fait le tour de l'exposition. On y a projeté le documentaire coréen Pyongyang en pleine prospérité.